Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Née en 1929 à Paris, Suzanne Schiffman fit la connaissance de Jacques Rivette, de François Truffaut et de Jean-Luc Godard à la fin des années 40, dans la salle de projection de la Cinémathèque française, alors située avenue de Messine. Pour son premier film, Paris nous appartient, sorti en 1959, Jacques Rivette lui demanda d'être sa scripte. Elle occupera ce poste tout au long des années 60, sur les tournages de Godard et de Truffaut, avant de devenir l'une des plus proches collaboratrices de ce dernier, son assistante et souvent sa co-scénariste. Après avoir retrouvé Jacques Rivette pour Out One en 1970, puis Merry Go Round en 1977, elle l'assistait à l'écriture, à la préparation et au tournage du Pont du Nord, film dont l'histoire fut imaginée avec la complicité de ses deux interprètes principales, Bulle Ogier et sa fille Pascal Ogier. Au lendemain de la sortie du film en salle, Suzanne Schiffman était l'invitée de Claude Jean-Philippe dans le cinéma des cinéastes et lui racontait la genèse si singulière de ce projet. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 mars 1982. Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût. Le film qui nous importe cette semaine, nous l'avons déjà dit, c'est Le Pont du Nord de Jacques Rivette. Jacques Rivette préfère s'entretenir avec nous de son film et d'autres, enfin de sa carrière probablement après la sortie du Pont du Nord, mais ce qui nous donne l'occasion et la chance de parler du Pont du Nord de Jacques Rivette avec Suzanne Schiffman, qui est la complice. Suzanne Schiffman, vous avez été, vous collaborez au scénario de Truffaut, et vous avez collaboré donc au scénario et à l'entreprise générale du Pont du Nord de Jacques Rivette. Mmh. Vous avez été collaboratrice directe, bras droit, comme il disait, de Jean-Luc Godard pendant pratiquement toutes les années 60. Bras droit, non, script. Enfin bon, lui disait bras droit. Enfin, lui disait... J'ai jamais entendu dire. Ah ben, je croyais que pas. Non, je l'ai jamais entendu dire. Bon, alors, en tout cas, bon, vous avez approché les trois principaux personnages de ce qu'on a appelé la nouvelle vague, au point de d'être script girl, mais beaucoup plus, de travailler au scénario et d'être finalement leur complice. Quoi. Renoir avait inventé ce mot, avait choisi ce mot pour le cinéma. Je crois qu'on ne peut pas en trouver mieux. Non, je crois qu'on ne peut pas trouver mieux et qu'on ne peut pas trouver mieux pour la nouvelle vague. C'est vrai qu'il y avait et qu'il y a toujours une complicité énorme entre ceux qui travaillent ensemble et que c'est, enfin, pour moi, la seule façon de faire du cinéma, la seule façon que je comprenne. J'ai été rarement mêlée à des films hors de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, ça m'est arrivé. J'ai travaillé sur d'autres films. Plus ça allait, moins j'avais envie de travailler sur d'autres films. Je n'étais heureuse que quand je travaillais avec des complices, effectivement. Donc, vive les complices. Avant de m'entretenir avec vous, je voudrais lire quelque chose qui est de Rivette lui-même, qui est la conclusion de l'entretien qu'il a eu avec la revue Cinématographe. Et je profite de l'occasion pour dire à quel point Le travail que vient de faire Cinématographe sur deux numéros à propos du décor de film me paraît exemplaire parce que c'est riche de mille informations. Il y a un dossier réalisé par Bernard Eisenschitz qui est tout à fait remarquable. Et le numéro de Cinématographe qui s'ouvre d'ailleurs sur le décor dessiné par Tronner des Enfants du Paradis en couleur est tout à fait sublime. Donc je voudrais dire à quel point cette revue a fait du beau travail ces deux derniers mois. Et voici donc ce que dit Rivette, tout simplement du cinéma. Je crois qu'il faut voir le film comme un organisme, une créature, comme un enfant dont on ne peut préméditer la couleur des yeux ni le sexe. L'idée de perfection me semble profondément contraire au génie du cinéma. Sans faire d'organicisme forcené, j'essaie à ma façon de faire que le film soit quelque chose qui a sa vie propre, comme quelqu'un qui peut être borgne ou boiteux, mais qui respire et bouge par lui-même, à l'opposé des robots, que sont la majeure partie des films faits sur le principe de perfection. Et les risques que l'on peut éprouver dans le rapport avec de tels films, avant et après, ces risques sont ceux de tout face à face avec un être vivant, une personne ou un animal, un chat ou un taureau, si vous y tenez. Mais personnellement, j'ai envie de faire des films qui ressemblent plus à des chats qu'à des taureaux. Je suis plus à l'aise avec ce genre de quadrupède. Alors voilà, bon, je trouve ce texte magnifique parce que, d'une certaine façon, on y sent quelque chose comme une méditation totalement approfondie sur le cinéma par quelqu'un qui pratiquement vit sa vie avec le cinéma, essentiellement. Ah oui, oui, plus vivre le cinéma que ne le vit Jacques Rivette. Je crois que c'est difficile puisque c'est il va au théâtre de temps en temps, mais il voit presque tous les films. Ce que beaucoup ont abandonné par la force des choses, parce qu'on a une vie qui devient encombrante, même dans le meilleur sens du terme, et qu'on ne peut plus voir tous les films qu'on a envie de voir. Et Jacques a fait que sa vie soit toujours ouverte pour que les films y aient toute leur place. C'est délibéré. Et toutes les démarches sont de hasard et délibérées, je ne sais pas. Ah, mais des hasards qui s'accumulent en font une démarche délibérée. Surtout avec lui. Surtout avec lui. C'est comme ses films. Voilà. Ses films sont des films de hasard et des films délibérés. Donc, Bon, alors, vous pouvez nous raconter, donc, pour ce qui est le Pont du Nord, puisque c'est celui que nous voyons cette semaine. Et nous avons sacrément envie que le maximum de gens aillent le voir. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le film est né? Enfin, comment ça s'est passé, cette naissance d'un organisme vivant? C'est très difficile à raconter le début d'un film de Rivette. Ça part d'une envie de faire un film, d'abord. À partir d'une envie de faire un film, d'une envie de filmer certains comédiens, et là c'était surtout Bulle, Augier et Pascal Augier, au départ. Parce qu'elles sont mère et fille, ou bien comme ça, par un jeu? Parce que Bulle est une comédienne que Jacques aime beaucoup, qu'il apprécie beaucoup, sur laquelle il pense qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, et Pascal, parce qu'il l'avait découverte assez récemment dans Catherine de Hillebrand, où moi elle m'a épaté aussi, enfin... Sur la scène, dirigée par Éric Rohmer. Oui, sur la scène. Moi, je l'ai vu aussi à la télévision après, oui. Mais on l'a d'abord vu ensemble avec Jacques sur la scène. Donc, il y avait deux comédiennes, il y avait la disponibilité qu'on avait tous à un certain moment, c'est-à-dire Jacques, qui est le plus disponible, en fait, c'était son entreprise, et puis Pascal et Bulle qui étaient libres, moi qui étais libre à ce moment-là, et on a commencé à se réunir et à parler un peu de ce qu'on aurait envie de faire. Comme toujours, ce que Jacques souhaite, c'est que les comédiens ne soient pas uniquement des comédiens, mais participent à l'élaboration du scénario et plus que leur mot à dire, racontent leur histoire. Donc on a demandé à Pascal et Bulle de chercher qui elles avaient envie d'être et ce qu'elles avaient envie d'être. Et puis il y avait aussi un peu ce que Jacques avait envie de faire et ce dont Jacques avait envie de partir, c'était à ce moment-là Don Quichotte. Alors, il nous a donné à tous notre Don Quichotte pour qu'on le lise. Je pense que certains l'ont lu avec sérieux. Je crois que c'est Pascal qui l'a lu avec le plus de sérieux. Je crois que c'est moi qui l'ai lu avec le moins de sérieux. Pourquoi vous, Suzanne Schiffman, avez-vous lu Don Quichotte avec le moins de sérieux? Je ne sais pas, parce que je pensais que ça servait de tremplin. Et que le tremplin me semblait plus important pour Pascal et Bulle que pour moi, pour Jacques, puisque lui, il l'avait déjà lu au moment où il nous l'a donné, où il était en train de le lire. et que je ne voyais pas ma place dans le scénario à partir de Don Quichotte, mais à partir de ce qui allait se passer au moment où on parlerait. Voilà. Alors je me suis gardée plus disponible pour ce qui allait arriver que pour le tremplin d'où on était parti. Et puis on a parlé des heures et des heures. On parle aussi d'autre chose dans ce cas-là, parce que Jacques est un conteur intarissable. Oui, il parle beaucoup. Il parle beaucoup, oui, il parle très bien, oui. Il parle avec passion. Oui. Il parlait avec passion aussi de tous les films qu'il avait vus et que nous n'avions pas vus, puisqu'il les voyait tous et que nous n'arrivions pas à les voir tous. Et puis tous ces détours nous servaient en fait aussi à respirer de temps en temps, parce que c'est pas facile de parler une histoire. Jacques n'a pas envie qu'on l'écrive. Ah bon, il n'y a aucun texte? Ah si, ça a été écrit par la suite. Mais au départ, il n'y avait rien d'écrit. S'il y avait des espèces de cahiers de charges ou de cahiers de brouillon, je ne sais pas, c'est-à-dire que Bulle, de son côté, écrivait son personnage, Pascal, de son côté, écrivait son personnage, et on se retrouvait tous les deux ou trois jours. J'ai entendu Pascal dire qu'on se retrouvait tous les jours. Je ne suis pas certaine qu'on se retrouvait tous les jours, mais enfin, on se retrouvait assez souvent. Pendant quel temps? Ça a dû être juin, juillet. On a dû s'arrêter un peu en août, où j'ai dû quitter Paris. En tout cas, moi, je me suis arrêtée, j'ai quitté Paris. Je crois qu'aussi, Bulle avait des voyages à faire. Puis on s'est retrouvés fin août, et puis septembre. Et puis, on a cherché à ce moment-là, enfin, à être libre ensemble tous en même temps, je veux dire, c'est-à-dire pas seulement les comédiens, mais un chef opérateur, Willy Lubchansky et son équipe, et puis un autre assistant qui est Pierre Vallon, qui a fait, on disait, de la régie sur le film, mais qui a énormément travaillé. Et à un moment, on s'est aperçu que, bon ben voilà, en novembre, il fallait qu'on y arrive, fin octobre, quoi. Et moi, je prends un bout de papier où j'essaye de noter simplement dans ce qu'on dit. Une espèce de structure, je peux pas m'en empêcher, ça doit être mon passage dans le métier de script qui fait que j'ai toujours envie d'avoir des choses comme ça, bien matérielles. Et ces choses matérielles, on les apportait, on en reparlait, et puis je sais pas, bon bah l'histoire s'est construite. Les autres personnages, c'est-à-dire Pierre Clémenti et Stévenin, ont été à la fois un choix des deux comédiennes et de Jacques Rivette et de moi-même, enfin à la fois des acteurs, des comédiens qu'on aimait bien, et on a laissé la possibilité à Bulle de choisir l'homme qu'elle allait aimer dans cette histoire. Et elle voulait que ce soit une grande histoire d'amour. Au départ, elle souhaitait une grande histoire d'amour et une histoire d'amour heureux. Et puis, on s'est aperçu que cet amour ne pouvait pas être aussi heureux que ça au fur et à mesure que l'histoire avançait et que le film se tournait. Et Jacques dit qu'on ne savait pas que Bulle mourrait quand on a commencé à tourner le film. C'est vrai que moi je le pensais. Moi je pensais qu'elle ne pouvait que mourir, que Marie mourrait. Et Marie avait pas envie de mourir du tout. Bulle était très contre. Ça l'attristait énormément, l'idée de mourir à la fin du film. Mais elle y est venue. Elle a accepté de mourir quand elle s'est aperçue qu'elle s'était enfoncée dans une histoire dont elle ne pouvait pas sortir. Oui, voilà. En vous écoutant, Suzanne Schiffman, j'ai un peu le sentiment qu'il s'agit, que Rivette tient assez à ce que ça se situe dans un intervalle assez, assez étroit entre quelque chose qui pourrait ressembler à un jeu d'imagination entre enfants, enfin, qui se raconte, les enfants se racontent des histoires dans lesquelles ils pourraient vivre, ils pourraient être. Et je pourrais être ceci, tu pourrais être cela. On dirait que. Oui, c'est vraiment de l'ordre du « on dirait que ». Et d'autre part, quelque chose qui serait, alors là, beaucoup plus mystérieux, qui serait de l'ordre du secret, qui serait de l'ordre du destin du monde, qui serait de l'ordre de choses comme ça. Qui serait de l'ordre du politique. Du politique, c'est ça. Du politique. C'est vrai qu'on était en 80 quand on a fait le film. Il a mis un certain temps à trouver des salles. On a eu tous les problèmes matériels possibles qu'on peut avoir sur un film. Enfin, plus que tout ce qu'on peut avoir. Mais en même temps, ça a été, enfin, il faut quand même le dire, ça a été un tournage heureux, un tournage, finalement, un tournage confortable. C'est-à-dire que tous les tournages ne peuvent pas se ressembler et que certains films bénéficient presque, à un moment, des difficultés qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on soit arrivé à tourner qu'en extérieur, ça a été pour des raisons matérielles. Il faut le dire très simplement, on n'avait pas de quoi avoir des éclairages, on n'avait pas de quoi avoir des électros. Qu'est-ce qui reste quand on n'a pas d'électros et pas de matériel d'éclairage? Ben on fait un film dehors. Et comme Paris est quand même un des sujets que Jacques a le plus envie de filmer, ça tombait très bien. Et que, parallèlement à l'élaboration du scénario et parallèlement surtout à l'idée du jeu de loi, qui était une idée qui tournait dans la tête de Jacques depuis longtemps, puisqu'on l'avait déjà tenté, moi j'étais un peu au départ du scénario de Mary Gorin. Ensuite, je n'ai pas été libre et le film s'est fait complètement sans moi. Et j'avais été là aux premières discussions avec les comédiens, puisque c'est toujours le même principe. Et à ce moment-là, on avait déjà parlé du jeu de loi, on avait parlé de ces jeux, et là, on a repris le jeu de loi. Il faut toujours plusieurs éléments pour faire un film. Et le jeu de loi, c'est un parcours. Ça tombait très bien avec un film en extérieur. Le jeu de loi, c'était aussi des cases piégées, des cases non piégées. On a appris ce jeu par cœur, on a cherché toutes les règles qui existaient. Et puis on s'est mis à chercher à travers Paris le pont, la prison, l'auberge. Et puis nos décors sont arrivés comme ça. C'est drôle parce que c'est depuis son premier film, l'idée d'un jeu, puisqu'après tout, le coup du berger, j'entends encore la voix de Rivette disant c'est quel coup du berger aux échecs. À quoi ça tient cette... Il faudra lui demander à lui, je ne sais pas, peut-être à une persistance de l'enfance. Est-ce que c'est une persistance de l'enfance? Je ne sais pas. Parce que le cinéma est aussi un jeu. Oui. Alors, quand on joue à faire du cinéma, on peut bien ajouter un jeu à ce jeu. Oui, mais alors... De même qu'il y a une persistance des contes de fées. Enfin, il y a toujours un passage par les contes de fées chez oui. François. Oui. François, c'est les contes de fées. Jacques, sont les jeux. Ils ont chacun leur façon de se... Mais de ressusciter leur enfance dans leur film. D'accord. Mais il y a quelque chose de différent chez Rivette, c'est... son côté politique. Enfin, on peut dire, pour prendre Paris nous appartient, qui est un exemple le plus étonnant, c'est un film fait en 57 et qui contient, mais beaucoup plus, d'une façon affective, beaucoup plus dans l'émotion que dans les faits, ouais. Quelque chose qui était le climat véritable vécu par, disons, la jeunesse française de gauche, grosso modo, à la fin des années 57, jusqu'à... Et le film est étrangement sorti alors que la Nouvelle République venait au pouvoir, alors que la quatrième était morte et que Paris nous appartient traduit les derniers mois, enfin les dernières années de la quatrième. Bon. Alors que... Il y a eu Out. Out qui a été aussi... le film, enfin, qu'on a tourné en 70, sur lequel j'ai travaillé aussi avec Jacques Rivette. Il se trouve que j'ai travaillé avec Jacques de 10 ans en 10 ans. Puisque j'ai commencé à travailler dans le cinéma avec Jacques Rivette, sur Paris nous appartient. Mais pas de la même façon. Et puis ensuite sur Out One. Et puis ensuite sur Pont du Nord. Et Out One, oui, c'était parti de l'état d'esprit, enfin, de la désillusion des gens de 68. C'est aussi. Ça, voilà. Ouais. C'est ça. Et là, en 80, c'était... l'espèce de cul-de-sac dans lequel on ne croyait pas à la possibilité d'un renversement de la situation politique en France. On se voyait parti avec Giscard pour encore au moins 7 ans. Oui, enfin, lui, dans ses entretiens, de ce point de vue-là, Rivette ne clame pas d'aucune façon victoire. Il n'y a pas à clamer victoire. Oui, c'est ça. Non, mais il y a quand même, enfin, on n'aurait pas fait en 81 le même film qu'en 80, c'est, je pense, c'est évident. Je veux dire, c'était... Ça valait la peine, ou ça valait plus que la peine, ça semblait indispensable pour Jacques, en 80, de parler de ce dont il a parlé. Je veux dire, le moment, s'il y a un moment politique, enfin un moment précis politique dans le film, c'est la lecture des journaux, l'accumulation des scandales, enfin tout ça. En 81, on n'aurait pas fait la même chose. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait, je ne peux pas vous le dire, ça n'aurait pas été la même chose. C'est-à-dire que ça aurait été un cri de victoire, il ne s'agit pas de ça. Non mais d'une façon très étrange, quand on le voit aujourd'hui, parce que moi ça a été mon cas, parce que moi je l'ai vu cet été, donc tout était déjà changé. La vision du film est peut-être décalée par rapport à son tournage, mais il n'y a anachronisme d'aucune façon. C'est ça qui est étrange, vous ne trouvez pas ? Oui, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas le voir décalé. Je ne le vois qu'à travers moment où on l'a tourné. Alors, je n'ai pas du tout la même... C'est vous qui pouvez me le dire. Oui, c'est peut-être pas décalé, mais... Non, mais pour qui de l'essentiel ? C'est-à-dire, bon, Paris. Paris, à la fois détruit et conservé, qui est tout à fait étonnant dans le... Ouais. Parce que ça, c'est très profond, c'est la vie d'une ville. Parce qu'une ville, c'est comme un film, c'est un organisme aussi, c'est sacrément. Et il y a bien l'idée d'une destruction, enfin, et c'est évident, mais en même temps, l'idée d'une permanence. Il y a aussi des choses qui sont étrangement conservées. et qui reviennent d'un passé. Vous pensez à quelle chose? Je sais pas, moi, ne serait-ce que des maisons très très anciennes, des arches de pont, des... Ça, c'est vrai. Et puis maintenant, même ce chemin de fer de ceinture que nous avions filmé comme que quelque chose qui disparaissait, qui va se remettre à vivre, en plus. Tiens, il y a des choses qui vont se remettre à vivre dans celles que nous avons filmées comme en train de disparaître. Puisqu'il y a, je crois, un nouveau métro de ceinture qui va exister sur le chemin de fer de ceinture. On va plus pouvoir y tourner. Non, mais en plus, c'est un endroit magique. Hein, c'est un endroit complètement magique. On a regretté de ne pas l'utiliser plus. À un moment, on avait même pensé les faire complètement circuler, uniquement sur le chemin de fer de ceinture. Et puis, en fait, c'était une vision un peu idéale, mais c'était aussi c'était un peu répétitif. Enfin, on a cherché toutes les gares de ceinture qui existaient, tous les endroits. On s'est beaucoup baladé le long du chemin de fer de ceinture. Mais à partir du chemin de fer de ceinture, on a trouvé d'autres endroits qui étaient tout aussi... passionnant quand on a découvert le dragon, enfin que c'est Pierre Vallon qui nous a découvert ce dragon, ça a été vraiment... Mais c'est un vrai dragon qui... C'est un dragon dans une aire, comme on dit, une aire de jeu pour enfants, oui, c'est un dragon dans lequel les enfants jouent habituellement. Et on a joyeusement mis un artificier sans demander aucune autorisation. Très rapidement, ça a été fait très très vite et je crois très réussi. Mais alors le sentiment qui se dégage est un sentiment double, parce que d'un côté, il y a tout de même... On a bien le sentiment qu'il a cherché des horizons, alors que Paris est une... Enfin, quand on est dans Paris, on est bloqué par le prochain carrefour, par les tranchées d'immeubles. Et là, dans le pont du Nord, on a un sentiment quand même d'un univers relativement dégagé dans le lointain. Il y a des ciels. Oui, il y a beaucoup de ciels. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ciels. Bah, quand on détruit, on découvre le ciel. C'est vrai aussi. Je veux dire, quand on détruit des immeubles, des maisons, derrière, il y a le vide. Enfin, pas le vide, le ciel. Je ne sais pas si c'est le ciel ou le vide. Ça, il y a que Jacques qui pourra vous répondre. Mais on est parti de Paris, de l'intérieur de Paris. On est parti d'enfer. Et puis, on est passé par des chemins divers. Enfin, on cherchait toujours des escaliers, des choses. On est passé sur la Seine à un moment, puisqu'on savait quand même que d'enfer était rive gauche. On était très logique. De là, on est passé à la rive droite, c'est-à-dire à l'étoile. Ensuite, il y a des lieux moins précisément définis, encore que je pourrais vous donner toutes les adresses, c'est-à-dire des jardins qui sont à la fois ouverts et fermés, ce qu'on cherchait. Alors, j'en connaissais un dans le 9e qui se trouvait être l'arrondissement où j'habite, donc que je connais bien. Et puis, à nouveau, un autre coin du 9e qui m'intéressait depuis des années parce que chaque fois que je passais devant, je me disais un jour, il faudra tourner une séquence de film à cet endroit-là. Et j'ai emmené Jacques et il a accepté. Ce sont les deux escaliers qui montent avec l'arche de pont au-dessus d'une rue et avec un bistrot au coin, un hôtel de l'autre côté. Bon, on a tourné là aussi. Et puis après, petit à petit, on s'est excentré, enfin on est passé par Bercy, et puis Stalingrad, et puis les anciens abattoirs de Vaugirard, et puis tout à la fin la Villette, et au milieu de tout ça aussi cet endroit assez magique qui est le vieux cimetière, très vieux cimetière juif qui est caché à l'intérieur d'immeubles, celui-là complètement enfermé dans des immeubles vers la rue de Flandre, et qui a été trouvé par Pierre Vallon aussi. Alors là, ce qui est extraordinaire quand on regarde ce Paris-là, c'est qu'on se dit que c'est... bon, d'une part, il est parfaitement accessible, puisqu'on y arrive par le métro. Tout le monde peut y aller, il est là. D'autre part, il n'y a aucun monument, enfin, il n'y a aucune... C'est aucun quartier chargé de mythologie. L'étoile, quand même. L'étoile. L'étoile, oui. Écoutez, l'Arc de Triomphe. D'accord, enfin, on pense à tellement autre chose que dans cette séquence-là. Il n'y a aucun caractère, disons... Enfin, il n'y a aucune des mythologies de Paris, ni la mythologie populaire, ni la... Oui. On a cherché dans des quartiers populaires. C'est vrai qu'on s'est baladé beaucoup dans le 19e, à un moment, dans des rues qui ne nous déplaisaient pas, et on s'est aperçu qu'on y tournait le bombeur. Et on a quitté ce quartier très vite, et on a cherché ailleurs. Voilà, quand on tombait sur des quartiers qui étaient limites de ce qui aurait pu nous intéresser, il y avait quelque chose d'autre qui s'y tournait, qui était vraiment pas de la même famille que ce qu'on tournait nous. Et... Non, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la banalité et de l'extrême rareté aussi, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on se trouve devant... Moi, je pense devant l'idée même de l'inconnu. Paris nous donne beaucoup plus que n'importe quoi le sentiment de l'inconnu. Enfin, le sentiment. Oui, oui. qui est Paris, c'est ça, qui est la, une face à la fois secrète et ouverte de Paris. Donc c'était merveilleux d'y tourner. Et puis, qui correspondait avec ce qu'on recherchait, non, c'était parfait. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a un endroit ouvert-fermé, qui est ce grand marché, le Carreau du Temple. Oui. Où on a tourné, alors qu'il était, enfin, quand il n'était pas en action, quand il était vide. C'est un endroit très magique que je connaissais pas d'ailleurs. Alors on y est allé, je sais pas, j'en avais entendu parler, je n'étais jamais allé là. J'y suis allé un matin et puis on s'est aperçu que c'était pas mal quand c'était vide. C'était une espèce de cathédrale. Hein, oui, oui. Non, mais c'est drôle parce qu'il semble bien qu'il a vraiment fallu faire le film pour découvrir, pour faire renaître toutes ces images. Oui, pour les découvrir, bah, c'est les grands. C'est toujours les grands plaisirs du cinéma quand on fait un film. C'est vrai, même des films. J'aime beaucoup ce que dit Jacques Rivette, que vous avez lu tout à l'heure. Mais quand il parle des films perfectionnistes, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je les aime aussi des fois quand ils sont très réussis. Et je crois qu'on a les mêmes surprises dans les films qu'il y a différentes façons d'aborder le cinéma. Voilà, et qu'on peut avoir les mêmes surprises quand on fait un film où on compte moins sur l'accident. L'accident arrive toujours. C'est d'être capable d'absorber l'accident qui fait la force d'un film. C'est pas de dire qu'on va le supprimer. Peut-être que si on le supprime complètement, ça devient complètement inintéressant, mais c'est pas vrai. Parce que regardez quelqu'un comme Hitchcock, qui fait tout, sauf du cinéma d'accident. On va pas dire que ce sont des films qui n'existent pas, et Rivette ne le dira pas non plus. Je pense que si les accidents arrivent dans les films, j'ai jamais suivi un tournage d'Hitchcock, je sais pas comment ça se passe, ça a beau être préparé, il faut avoir des dessins, des storyboards, des choses comme ça, je suis sûr que les accidents arrivent. Et que la force d'un metteur en scène, c'est sa capacité d'absorber l'accident et de l'utiliser, de le faire aller dans son sens. Oui, alors bon, Suzanne Schiffman, en vous écoutant, vous avez prononcé le mot surprise, parce qu'il semble bien que ce soit le mot clé, quoi, parce que c'est, si on aime tant le cinéma, c'est parce que c'est par le cinéma, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, que nous pouvons éprouver le maximum de surprises. Oui, je pense qu'il y a des gens qui ont... Enfin, je crois qu'on peut avoir les mêmes joies, mais enfin, c'est une différente façon de les avoir par la littérature. Enfin, bien en sûr. Lisant certains textes, on peut les avoir au théâtre, je trouve que c'est beaucoup plus rare. Mais au cinéma, souvent, et même dans des films où tout n'est pas bon. Bon, pour moi, les grands metteurs en scène, c'est ça. Ce sont ceux qui n'ont pas peur des accidents, qui ont différentes façons de les prévoir ou de les absorber ou de les utiliser. Ce sont eux, et c'est vrai, c'est complètement vrai de Rivette, fantastiquement vrai de Jean-Luc Godard, et c'est très très vrai de François Truffaut. Susan Schiffman, oui, ce que vous dites sur la surprise, l'accident, me conduit à penser aussi à une sorte de pari qui est tout de même le pari du Pont du Nord et qui est un pari sur la liberté du regard du spectateur. C'est-à-dire que le Pont du Nord est un des rares films où le regard du spectateur peut être libre de partir sur le décor et sur la poésie de ce pari-là, libre de naviguer à sa guise sur les fonds, et tout en étant fasciné d'une autre façon par ce qui se dit, par ce qui se fait, par l'action qui se joue devant lui et par les dialogues qui d'ailleurs ont été écrits par Jérôme Prieur, qui sont dits par les deux comédiennes. Alors est-ce que vous aviez calculé d'une manière ou d'une autre avec Rivette cette sorte d'aléatoire entre ce qui est l'action et son décor? Je ne sais pas si Rivette l'a calculé, moi je n'ai pas calculé. Non, je crois que c'est pas du calcul. Ça n'est pas du calcul. Je vois pas comment ça peut être un calcul. C'est au moment où le film se fait. Le calcul, il est fait sur chaque séquence. Enfin, il est fait dans la tête de Rivette. Et des fois, il est plus difficile à faire qu'à d'autres moments. Il y a eu des décors dont on avait très envie. Et quand on est arrivé sur le décor, d'un seul coup, chaque avait quand même un blocage. Et on avait 3 heures d'attente où il circulait très vite dans tous les sens. Il regardait ça par tous les bouts. Comme si, les choses se mettaient pas en place dans sa tête et on ne pouvait commencer à tourner que quand les choses se mettaient en place. Et à ce moment-là, à partir du moment où il avait digéré son décor, il savait comment ce décor allait coller avec ce qui s'y passait à ce moment-là. Mais ce qui s'y passait, alors justement, parce que ce qui se passe, vous avez raconté très très longuement comment les choses ont été conçues, puis parler, puis rédiger, est-ce que ça signifiait d'une certaine façon par rapport au temps traversé, la fin de l'époque du giscardisme, etc. Seulement, l'action elle-même, après tout, il s'agit d'une histoire. Enfin, oui, il s'agit d'une histoire. Moi, je crois complètement à l'histoire. Je crois que les films ont besoin de raconter une histoire, qu'il faut à la fois donner cette surprise au spectateur et puis l'emmener un peu par la main, dans les chemins où on veut l'emmener, parce que vous parlez de la liberté du spectateur, c'est une liberté surveillée quand même. Moi, je crois que le metteur en scène emmène le spectateur là où il veut l'emmener, toujours. Ce qui est important, c'est que le metteur en scène veuille quelque chose, sinon le spectateur n'est pas emmené. Voilà. Il faut qu'il y ait une vraie volonté du metteur en scène. Ça peut être le désir de montrer différentes choses. C'est peut-être les films qui ont plusieurs niveaux comme ça qui sont les plus riches, parce que, oui, le spectateur peut choisir, mais je trouve qu'il y a toujours un niveau simple où l'histoire doit pouvoir se raconter. Et je crois qu'il y a des façons... D'ailleurs, j'ai lu quelques critiques, je vois qu'on arrive à raconter l'histoire de Pont du Nord et en même temps, elle est beaucoup plus magique que ce qu'on en raconte. Enfin, moi, c'est ce que je crois et c'est ce que je ressens quand je vois le film. Ça, c'est aussi la richesse d'un film. Alors, l'intervention de Jérôme Prieur, est-ce que vous pouvez la situer comme ça? Parce que aucun, dans la mesure où les actrices ont rêvé leur personnage et en partie l'action, dans la mesure où Rivette a dû rêver l'ensemble de l'action, ouais, en fonction du décor, dans la mesure où vous étiez là pour apporter également votre part de rêverie dans l'ensemble. Pourquoi avoir fait intervenir soudain quelqu'un qui écrit des dialogues? Moi, je ne connaissais pas Jérôme. J'ai lu des articles de lui, mais je ne connaissais pas. Il est d'ailleurs venu au cinéma des cinéastes, c'est quelqu'un de très bien. Oui. Jacques le connaissait mieux que moi. Je crois que c'est à la fois le... Plusieurs choses. Je ne veux pas dire que c'est uniquement la paresse, ce qui serait très injuste vis-à-vis de Jérôme. C'est plus que la paresse. Il y a une part de paresse. Il y avait déjà assez de travail avec tout ce qu'il y avait à faire. On n'allait pas en plus écrire les dialogues. Pourquoi ne pas les faire écrire par quelqu'un qui pouvait les écrire bien et à qui on racontait l'histoire en plus et qui s'y intéressait et qui réagissait bien. Ça crée un rebond et ça crée une surprise pour nous et pour les comédiens, parce que très souvent le dialogue, il avait une séquence d'avance sur nous. Il connaissait certains décors, d'autres il les connaissait moins bien. Il venait les voir pratiquement. Il venait pas toujours. Certains décors il les connaissait parce qu'il était tout près, comme Stalingrad. Mais d'autres décors il venait les voir au moment où on tournait. Il apportait les dialogues et il voyait le décor. Les acteurs étaient donc obligés d'apprendre leurs dialogues très, très vite et avec très peu de temps. Et tout ça, je ne sais pas. Enfin, tout ça fait partie des manipulations secrètes de Jacques. Oui, c'est ça. C'est ça. Qui lui permettent de mettre les gens en état de, les comédiens en état de déséquilibre et d'équilibre. Mais lui-même, dans la mesure où ce texte, il a voulu une certaine coloration pour ce texte. C'est évident que c'est un texte qui parle de choses. Le détail des dialogues, mais le contenu, en gros, des dialogues, on en parlait avant, quand même. Mais ça, il n'empêche, quand ça passe à travers la sensibilité, l'écriture de quelqu'un d'autre, on a des surprises et ouais, ça continue. Vive les surprises, voilà. Complicité et surprise sont deux des choses. Avec le sentiment dont il parle beaucoup dans son entretien avec Cinématographe, qui est celui du risque. Oui, aussi, le risque, c'est vrai. Oui. Ben, lui, il vous en parlera mieux que moi. Alors, écoutez, attendez qu'il vous en parle. Il vous en parlera très bien. Mais est-ce que vous pouvez vous dire, vous, Suzanne Schiffman, comment le film s'est... Parce que on se fait fatalement, et vous plus que ni quiconque, une idée de ce qui va arriver sur l'écran au bout du compte. Est-ce que vous pouvez dire comment le film s'est métamorphosé entre ce que vous en aperceviez, puisque vous en avez vu sur le tournage, et puisque vous en voyez maintenant, quand vous le voyez sur l'écran terminé? Ah, je trouve que non, le film terminé est pour moi extrêmement fidèle à ce qu'on a tourné. Je veux dire, je vais pas, comme les comédiens qui sont impliqués dans le film ne le voient certainement pas pareil. Moi, je le voyais quand même parallèlement à Jacques, ce film, se faire. Donc, j'ai pas eu de les surprises dont je sais, Pascal a parlé de surprises en voyant le film terminé. S'il y a des surprises, il y a des surprises d'ailleurs sur les comédiens même, sur des choses qu'on prend par moments, on se dit que ce sont des maladresses. Et puis, finalement, une accumulation de choses qu'on a pu prendre pour des maladresses pendant le tournage devient un style beaucoup plus fort que ces maladresses une fois que le film est terminé. Alors justement, il faut parler de Pascal Ogier, parce que j'ai rencontré l'autre jour Bulogier dans le métro, où elle est en train d'apprendre par cœur un texte gigantesque qu'elle va jouer au théâtre. Ouais. Et elle me disait que en voyant le film, elle s'était auprès de sa fille, auprès de Pascal Ogier, elle avait l'impression elle d'être gamin à quelqu'un qui serait alors complètement aérien, inspiré, singulier. Alors elle est complètement. Enfin, ce qui est étonnant avec Pascal Ogier, c'est l'absolue singularité de ce qu'elle est probablement dans la vie, je ne la connais pas du tout dans la vie, oui. Et ce que ça donne comme résultat sur l'écran. Oui, c'est vrai, mais moi, j'ai pas envie de parler plus de Pascal que de Bulle. Je pense que c'est par rapport à Bulle. Je veux dire, c'est par rapport à Bulle que ça ressort. Que ce qui est passionnant, c'est effectivement leur confrontation, leur accord, leur dissemblance, leur ressemblance. C'est tout ça qui rend le film passionnant. C'est pas deux styles d'actrice, ça veut pas dire grand chose. Ah non, ça, je suis totalement d'accord avec vous, d'autant qu'elles ont chacune un très très grand degré. La chose qui doit, je pense, passionner n'importe quel cinéaste, et Rivette en particulier, c'est qu'elles ont un visage totalement changeant. Mais d'une fraction de seconde à une fraction de seconde. Oui, je crois qu'on pourrait. C'est ça qui rend le plaisir si grand de les voir sur un écran, c'est de les voir se. Il faudrait être un très grand écrivain probablement pour dire à quel point ça bouge de l'intérieur, et comme l'intérieur est totalement visible. Alors ça, elles ont ça absolument en commun. Mais peut-être que c'est pour voir ça qu'on leur fait dire et faire. Tout ce qu'on leur fait faire aussi. C'est pour découvrir ça, oui. C'est aussi pour découvrir ça, bien sûr. Et puis en même temps, je vous dis, pour découvrir parfois d'autres choses que ce qu'on avait imaginé, au départ. Et c'est vrai, oui, c'est vrai aussi de Stévenin, et c'est vrai aussi qui sont tous les trois de grands acteurs, qui sont tous les quatre de très grands comédiens. Oui. Pour cette raison-là, c'est que ça. On ne sait jamais ce qui va se produire quand ils apparaissent. Oui, oui. Mais alors, ça va tellement loin, sans vouloir déflorer la fin du film, il y a une séquence entière à la fin du film, où brusquement, tout ce qu'il pouvait y avoir de tragique et de désespéré se trouve démenti par un retour au jeu entre le Supermax et Baptiste. C'est ça, Supermax qui est joué par Jean-François Stévenin et Baptiste qui est joué par Pascal Ogier. Pascal Ogier, oui, oui. Est-ce que c'est... Enfin, c'est un retour au jeu. J'ai l'impression que c'est comme ça que tout le monde a l'air de recevoir le film. Et c'est vrai aussi, ce que dit Jacques. Il rend les personnages... Enfin, je ne sais plus dans quel entretien il a dit ça, mais qui était très juste, de rendre les personnages à la ville et de rendre la ville à elle-même. C'est-à-dire de quitter les personnages. On a même fait un plan différent... Un plan final différent qui était à 360 degrés total, où on revenait au cadre de départ et où Jean-François Stévenin et Pascal Ogier avaient disparu. Ah oui. C'était une des versions de la fin qu'on avait faite, mais qui était trop. Enfin voilà. Puis on l'avait faite surtout très très tard, et à un moment il n'y avait plus de lumière du tout. Bon, il y avait des tas de raisons pour lesquelles Jacques. Mais on sent les heures. Enfin, dans cette séquence là, on sent précisément qu'on est au bord du moment où la lumière va devenir rose et pas possible. Ah oui, il y avait une urgence en plus à tourner. Sans compter qu'on tournait, comme souvent dans ce film, sans autorisation, dans un endroit où on n'a pas, je veux dire, ces abattoirs de la Villette en train de se détruire, n'était pas à l'époque le lieu favori où on avait envie de voir tourner les gens. Voilà. Donc on n'avait pas vraiment le droit de tourner là. Oui, puis il y avait le temps qui passait et le fait qu'on arrivait au bout du tournage, c'était le dernier jour de tournage, qu'on avait plus les moyens de tourner après, et qu'il fallait vraiment tout à jouer dans le sens du film. Et puis il y avait la joie de Pascal, qui avait travaillé pendant 3 mois à ce karaté, qui d'un seul coup se retrouvait face à quelqu'un qui savait vraiment en faire, parce que Jean-François Stévenin est ceinture noire de karaté déjà. Oui, puis il est passionné par ça. Il entraîne tout le monde à en faire, il voudrait que tout le monde fasse du karaté. Et il y avait un plaisir des deux à faire ce kata ensemble, qui a modifié effectivement la fin du film, est modifié parce qu'on le aussi parce qu'on le voit aujourd'hui. Parce que moi, à un moment, j'ai pensé que ça allait être interprété, je me suis amusé à l'interpréter comme une récupération, qui était une des façons de voir cette fin. C'est-à-dire que cette créature d'un autre univers qui circulait dans Paris, qui essayait de lutter contre le mal et contre les représentants du mal, c'est-à-dire les Max, finissait par être absorbé. Ce qui est aussi une des possibilités. Enfin, ce qui arrive souvent. Ce qui arrive souvent et qui aurait été une des façons de voir le film, mais apparemment c'est pas une des façons dont on le lit maintenant. Et ça, c'est peut-être le décalage entre 80 et 80. Ah voilà, non, c'est ça. Oui, ça c'est très intéressant. Oui, c'est vrai, de le voir effectivement comme ça. Alors justement, le côté, je crois que la différence entre les cinéphiles et le bon public, elle est beaucoup plus simple qu'on ne croit, c'est que les cinéphiles sont des gens qui sont capables de voir un film et à différents degrés de réalité, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'être à la fois complètement dupes, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils ne le sont pas, et en même temps pas du tout. Heureusement, ce serait le plaisir. Mais en même temps, d'une autre façon, pas du tout. Oui, c'est-à-dire oui, qu'il y a tous les degrés plaisir, de possibilité, ouais. De scepticisme, d'ironie, au contraire, de désir éperdu d'y croire, etc., ouais. etc. C'est-à-dire que toute la gamme de possibilités d'adhésion ou de non-adhésion à une vérité proposée sur un écran, à une fiction proposée comme vérité sur un écran, est possible chez un intérieur de l'esprit d'un cinéphile. Précisément, toute sa gymnastique, conduite d'ailleurs par celle du metteur en scène, consiste à se promener comme ça entre les apparences et la réalité, entre la fiction et la vérité. Bon, alors que les gens simples qui sont très très bien d'ailleurs, alors que les gens simples ont envie, au contraire, n'ont pas envie des ruptures de ton, n'ont pas envie qu'on de passer de la tragédie à la comédie. Ils ont réellement envie qu'on les entraîne sur une seule et unique voie. Une seule et unique voie, je crois pas. Je crois que le public au sens large peut avoir le même plaisir aux ruptures de ton dans un film. Si effectivement il demande à avoir une histoire, et il a raison de demander à avoir une histoire, il demande à y croire. Peut-être au premier degré, en tout cas un peu plus totalement, un peu plus, naïvement est pas le mot qui me plaît non plus, parce que je crois pas que c'est de la naïveté, je crois que c'est de l'amour, je crois que le grand public aime vraiment. Oui. Les films aiment vraiment les histoires et qu'il a trollement raison, qu'il a complètement raison. Non, mais je suis tout à fait. Que pour moi, un film réussi n'est pas un film uniquement pour les cinéphiles, mais un film qui arrive à entraîner l'adhésion d'un public qui peut-être a priori ne semblerait pas fait pour ce film. Non, d'accord, ce que je voulais simplement, c'était à cause du Pont du Nord qui est fait par un cinéphile et par quelqu'un qui a un amour du cinéma tel que cette espèce de flottement. Du degré d'adhésion qu'on peut avoir à ce qui se dit, à ce qui se fait, à la réalité même de l'organisation maligne, à la réalité même de ces deux femmes se promenant, l'une sortant de prison, dont on sent qu'elle a eu jadis des relations avec des organisations révolutionnaires, etc. Terroristes. Oui, c'est ça. Est-ce que ce sorte de halo, comme ça, d'incertitude, Et quelque chose de délibéré, à votre avis? Il l'est peut-être pour Jacques, c'est à lui de répondre. C'est à lui de répondre. Là, vraiment, je peux pas répondre à sa place. Et lui, c'est lui qui feint d'être l'organisateur de ces mystères, ce n'est pas moi. Moi, quand je travaille avec lui, j'essaye de les organiser vraiment. De faire comme si les choses. C'est-à-dire qu'il. Je sais pas, j'y pensais. Je sais qu'il y avait une chose que je voulais vous dire sur la façon d'aider ou de travailler avec des metteurs en scène comme Jacques ou comme d'autres. C'est-à-dire à la fois de se laisser complètement emporter, et dans ce cas-là, il faut que leur désir soit très fort, par leur désir et par leur folie, par leur torsion à eux, et de garder la tête froide, et d'essayer de les aider à construire une histoire qui se tenait à travers leur tension, mais en fonctionnant avec eux. Je veux dire, une idée de la prison comme celle des toiles d'araignée, On ne peut pas l'offrir à tous les metteurs en scène. On ne peut pas l'avoir pour tous les metteurs en scène. On ne peut pas y arriver pour tous les metteurs en scène. Chaque metteur en scène, quand on travaille avec lui, entraîne des réponses différentes. Mais il entraîne des réponses différentes s'il est un metteur en scène, c'est-à-dire s'il demande vraiment quelque chose. Et c'est à l'intérieur de leur désir qu'on peut se laisser aller à certaines choses ou avoir certaines idées, puis en même temps, quand même, pas, enfin dans mon cas, parce que je suis une créature comme ça, très rationnelle et très terre-à-terre, d'essayer d'avoir... Moi, j'ai toujours envie d'avoir une lecture évidente, en plus de chaque histoire. Et pour moi, je me raconte une lecture évidente de l'histoire, peut-être pas celle qui arrive au public à la fin, mais qui est une des lectures possibles des films. D'accord, mais enfin, vous avez prononcé, Suzanne Shipman, vous avez prononcé souvent le mot de magie, et moi, j'ai oui. En essayant de parler de ce halo, et de cette vision des choses un peu comme en rêve, oui, il y a quand même un onirisme de ce film, non, le Pôle Nord. Oui, je crois, bien sûr. C'est parce que, on sent bien que Rivette, c'est 10 000 fois, surtout pas ça. Mais je crois qu'il n'y a même pas pensé. Je crois qu'il n'a jamais pensé... Non, je crois tout simplement qu'il n'y a pas pensé. Qu'il n'a jamais été dans aucune case de sa tête. Il n'a jamais été question de faire ni un film onirique, ni un film poétique, ni... Non. Et on a fait un film, une histoire avec deux femmes qui se rencontrent et à qui il arrive... Des aventures. Je sais bien quand on part du jeu de loi, on se dit, on part du jeu de loi, on part pas de la réalité. On est donc parti d'autre chose. Mais c'est, je parlais de tremplin tout à l'heure, je sais plus pourquoi, mais c'est chaque fois sont des tremplins. Parce qu'on a besoin de tremplins à la fiction et que le jeu de loi, c'est un tremplin et Don Quichotte, c'est un tremplin et Paris est un tremplin et la... Le karaté aussi. Le karaté, c'est un tremplin. La personnalité des comédiennes est un tremplin et que tout ça sert pour essayer de faire un film. Auquel on croit quand on le fait. Auquel on croit complètement. C'est-à-dire qu'on y croit absolument comme si vous faisiez, je ne sais pas, n'importe quelle histoire complètement plausible, complètement avec des personnages tirés de la réalité. Bien sûr. D'ailleurs, ils sont complètement tirés de la réalité. Une ex-terroriste s'est tirée de la réalité. Une louloute chez Lussat, quelque part, ça m'est resté dans la tête. C'est difficile à définir. Hein. Enfin, oui, mais une espèce de louloute de banlieue sur sa mobylette. Écoutez, on ne lui a pas donné un carrosse, elle est arrivée sur une mobylette. Comment est-ce qu'on arrive de banlieue? Comment est-ce que des tas de jeunes arrivent de banlieue? Sinon, sur leur mobylette, elle n'a même pas de quoi se payer une moto. Oui. Et quand elle rencontre une moto, c'est un événement. Quand elle rencontre cette... fantastique moto sur laquelle est Thévenin au début du film, c'est pour elle un événement. Et on a essayé de donner une réalité avec, bon, des fois un petit décalage comme ça, alors recherche d'endroits où dormir, où est-ce qu'on peut vraiment dormir quand on dort la nuit dans Paris, on a aussi cherché ça, et quand on ne veut pas dormir à l'intérieur. Alors bien sûr, de temps en temps, on débouche sur un gag, mais les gags, c'est aussi le plaisir, s'il marche, c'est-à-dire le cinéma où on joue les grands espaces, qui est remplacé le matin par la prisonnière, d'où elle sort à toute vitesse. Mais chaque fois, non, je trouve, grand travail de réalité sur ce film. Oui, complètement. Enfin, non, parmi les gags, il y en a un qui était étonnant aussi, mais c'est quand Bulogier entre dans une boulangerie disant « je ne peux pas entrer, donnez-moi... » C'est pas un gag. Si on est suffisamment claustro, elle n'arrive pas à rentrer dans une cabine téléphonique non plus. Vous avez vu le mal qu'elle se donne pour garder la porte ouverte. Elle fait une fois elle essaye d'aller téléphoner, je ne sais pas si c'est net, dans un café à un moment, et puis elle en sort aussitôt, parce qu'elle n'y tient pas. C'est sa première tentative d'entrer dans un endroit. Après, elle sait qu'elle ne peut pas rentrer, elle n'entre plus. Elle essaye le métro une fois, enfin... Oui. Je racontais tout le film, je n'ai pas envie de le raconter. Je voudrais laisser des surprises aux spectateurs. Je crois que les surprises sont là. Oui, absolument. On peut le voir et le revoir et rester sous le coup de la surprise, enfin, et sur le coup de 1000 surprises, surtout, pas une, mais 1000. Merci, Suzanne Shipman. Thank you. C'était Le cinéma des cinéastes. Claude-Jean Philippe recevait Suzanne Schiffman à l'occasion de la sortie en salle du Pont du Nord de Jacques Rivette, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 mars 1982. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.